Sale émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial joke. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap, c'est parti. Coup d'envoi, passez une bonne soirée, bienvenue. Comment ça va, joke? Au calme, comme tous les soirs. C'est le champagne. C'est la bulle qui est restée coincée en fait. Bon, tout va bien? Au calme. Cette deuxième soirée dans Planète Rap. On est chaud. Ateyaba se porte bien. Ça se porte très bien. Le bébé se porte très bien. Continuez de se soutenir. Allez à la Fnac. Achetez vos physiques. D'ailleurs, ceux qui ont l'air physique, balancez-moi ça sur Snapchat. J-O-K-E-L-E-M-G. L-E-M-G. L-E-M-G-M. Oh là là. Merde, c'est le champagne ça. Alors recommence. Ça commence déjà. Ok, Snapchat. Snapchat, l'application. J-O-K-E-L-M-G-E-M-G. Voilà. Et vous m'envoyez vos physiques et je réponds à ceux qui envoient leur physique. D'accord. Ou alors vous les envoyez pendant l'émission là jusqu'à 21h. Vous pouvez l'envoyer via l'application Skyrock, via le skyrock.fm. Vous envoyez tous ceux même d'ailleurs qui ont le lien de téléchargement. Je parle des téléchargements Lego. C'est quand même un peu mieux. Donc allez-y, vous pouvez les balancer aussi. Nous dire quels sont vos morceaux préférés avec le hashtag joke sur Skyrock. On va découvrir cet album. On va se gnoler ce soir, c'est ambiance gnolade. Et bah écoute, c'est une très bonne ambiance. Tout ce qu'on aime. Tout ce que Fred aime. Voilà, un petit peu comme à Montpellier d'ailleurs. Montpellier est une on ville ça, on aime très ça connue pour se gnoler. Hein. La bière, tout ça. C'est vrai. J'ai eu l'occasion d'y aller la semaine dernière là pour tourner un truc pour Franço pour aller faire le Battle of the Year. Tu t'es gnolé? T'en as encore des séquelles. Je sais même pas si le terme est super juste. Non mais c'est super sympa en même temps. Ouais. C'est quand même une ville agréable. C'est une belle ville. C'est une belle ville. Ensoleillée, il y a des belles femmes. Mm-hmm. Tout ce qu'on aime. C'est une ville que t'aimes. Est-ce que c'est une ville que tu pourrais quitter? Non. Pas maintenant encore. Pas tout de suite. Si je la quitte, ce sera pas pour rester en France. Ah ouais, ce sera pour partir loin. Ouais. D'accord, mais sinon en France, il fait pas mal d'allers-retours. Paris, Montpellier, Paris. À la limite, je crois que je suis plus à Paris qu'à Montpellier en fait. Bah, il y a un morceau qui s'appelle Paris. J'étais très étonné sur l'album. Ouais. Il m'a donné un morceau MTP, non, Paris. J'en ai assez fait MTP. Ça y est, donc là c'est... Ils savent. Ok, tu as rejoint le club, bienvenue. C'est sur Skyrock entre 20h et 21h. Que va-t-il se passer ce soir, joke, dans l'émission? Donc ce soir, on va avoir du live avec mon gars Dossé. Dossé qui est là, qui lui vient aussi d'ailleurs, non pas de Montpellier, mais d'Orléans, plutôt de la région. D'Orléans, comment ça va, du 45? Ça va très bien et toi? En forme, Dossé? Au calme. Bon, toi, on t'a écouté avec le titre de joke d'ailleurs, hein, le morceau. Maïlé, un morceau qui est arrivé, qui fait partie des tout premiers, hein, qui a été balancé. C'est sorti en décembre, je crois. Mmh. Ouais. Donc celui-ci, bah, on va parler aussi avec Dossé dans quelques minutes. Et puis on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir. Est-ce qu'on a un petit replay d'hier soir, Fab, à écouter? Ça, c'était hier dans l'émission avec Joke. On va dire d'ailleurs tout de suite un mot sur Ateyaba. C'est quoi? C'est un prénom, Ateyaba, à l'origine? Ateyaba, c'est mon prénom. C'est ton prénom aussi, hein? C'est mon prénom et c'est le prénom de mon grand-père, en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est un petit clin d'œil. C'est ça. Petit souvenir. Et puis bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que la pochette, c'est... Donc c'est toi aussi, c'est moi, a priori. Bébé. C'est moi, bébé, en fait, sur la pochette. Ouais. Je me suis... entre guillemets livré. C'est pas livré, mais c'est des trucs qui me tenaient à cœur, tu vois. Donc il y a des morceaux comme Ateyaba. Bah, on peut y aller maintenant pour le live joke. Major en l'air, c'est parti? C'est parti. Major en l'air, Skyrock, vous êtes prêts ou pas? Mon négro Azura, balance-moi ça, s'il te plaît. Major en l'air, maman, Major en l'air. Major en l'air, maman, Major en l'air, négro. Majeur en l'air, maman majeur en l'air. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Pas soulever des cochons ensemble. Wax Hollande et pour mon ensemble. Baisse le rap, prends c'est dans son ensemble. On est sur les nerfs. On n'aime pas ça, non. Qu'on efface la dette. On n'aime pas ça. Nique les paramètres. Négros sont là. Négros sont là. Mais négros sont là. Négros sont là. Voilà, le live de Major en l'air ce soir. Il y aura du live aussi. Yes, joke. On va faire Miley en live ce soir. Avec Dossé qui est là, ça tombe bien. Entre 20h et 21h, on débute comme chaque soir avec un extrait d'Ateyaba. Vénus pour commencer. Pourquoi? Ouais. J'ai pas été très bon sur la prononciation, Omar? Il y a eu un truc un peu stick. Ateyaba. Ateyaba. Voilà. D'ailleurs, jeudi, on va faire une spéciale Vénus. Une spéciale nana. Spéciale Vénus, donc que les femmes se présentent. Très bien. Et bon, on attend avec impatience jeudi soir entre 20h et 21h. On va saluer aussi donc Oumar qui est là, qui est le célèbre producteur, qui est l'homme de l'ombre. C'est ça. Et puis Bips qui est là aussi, hein, le poteau, celui qui t'accompagne. Toujours là. Hein. Qui t'accompagne sur scène, qui t'accompagne sur Saraz, ton fils Bips. Super Saraz. Super Saraz. Voilà pour la famille de Joke avec nous entre 20 et 21 et on débute okay, les gars. Vénus tout de suite, c'est parti. Baby, baby. Baby, baby. Quoi? Laisse tes affaires là. Je t'emmène voir les pyramides. Parce que t'es la plus bonne de mes petites amies. C'est vrai qu'avant t'étais chiante, peut-être un peu méfiante. On devrait peut-être se poser, même si t'es longue à la détente. Ça boule mon 4S, ça cherche des caresses. Moi je veux faire du sale, je veux faire du bif, je veux faire des affaires. Les femmes viennent de Vénus, les femmes aiment le vrai luxe. Les femmes parlent comme mes ancêtres, les femmes parlent en réduit. Certaines sont des belles mères, certaines sont des belles sœurs. J'apprécie quelques joints qui gravitent dans mon secteur. Quoi qu'il en soit, je suis entouré que de belles femmes. Amène-moi faire les vitrines sous les néons d'Amsterdam. Baby, baby. Baby, no. Baby, baby, baby, baby, baby, no. Baby, baby, baby, baby, baby, no. Baby, baby, baby, baby, baby, no. Baby, baby, baby. Les femmes des beaux quartiers viennent de Vénus. Les petites fleurs du ghetto viennent de Vénus. Les mannequins de chez Dior viennent de Vénus. Faut qu'une faire par un aller sans pouvoir Vénus. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus. Si elles en font trop comme des femmes flics, c'est qu'elles ont besoin de la baguette magique. Celles qui crient trop fort comme la maîtresse ont besoin d'un prince charmant pour faire passer le stress. J'aime celles qui travaillent leur abdos fessiers. Travaille, travaille à boîte sous métier. Je les aime tellement, j'oublie toute leur prise de tête. Non, je ride sur Vénus, DS sur le siège en sous-vêtements. On est sur les baby, baby, baby, baby, non. Baby, baby, baby, baby, baby, non. Baby, baby, baby, baby, baby, non. Baby, baby, baby, baby, baby, non. Baby, baby, baby. Les femmes des beaux quartiers viennent de Vénus. Les petites fleurs du ghetto viennent de Vénus. Les mannequins de chez Dior viennent de Vénus. Crois que je me perds pendant un aller sans pouvoir Vénus. Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Vénus, Skyrock avec ce morceau, donc ce morceau qui est né comment d'ailleurs Vénus, c'est en regardant les filles à Montpellier. C'est, non, même c'est, pas, c'est l'instru qui m'a inspiré ça. C'est vraiment fait. L'instru, ouais. C'est l'instru qui m'a inspiré ça, ça. Pour moi, c'est un truc pour les femmes. C'est une petite déclaration, entre guillemets. Mm-hmm. Bon, cache pas que c'est un sujet récurrent aussi dans tes morceaux. Ouais, mais j'en parle pas comme ça d'habitude. C'est vrai. J'en parle un, c'est peu, c'est un peu plus salace. Ouais, là, c'est très doux. C'est plus doux, c'est plus doux, c'est plus. Ouais, ça me plaisait de faire ça. Mm. Ça me plaisait de faire ça. Après, il y a des morceaux comme Jane Seltzer, je sais pas si on a entendu oui, ça, mais. Oui. Qui ouais, sont c'est plus sale. Bon, Jane Seltzer, c'est la nana, quand même, faut expliquer. C'est celle qui est Jane considérée Seltzer comme avoir le plus beau boule de des réseaux sociaux, quoi. Ouais. De, souvent, elle se prend en photo. D'ailleurs, on voit souvent ce profil, hein, d'ailleurs. C'est souvent ce qu'elle met en avant, Jane Seltzer. Et t'en as fait un morceau, d'ailleurs, aussi. J'en ai fait un morceau, je me suis pas inspiré d'elle, quand même. Mais j'ai pensé un peu à elle, quand même, aussi. Bon, on l'écoutera peut-être dans la semaine. Ouais, jeudi. Jeudi, très bien. Bah jeudi, ah bah oui, c'est la soirée Vénus. Vénus, c'est ça. Très bien, soirée Vénus. Jeudi, on mettra ce morceau. Si vous l'avez pas encore, sinon il est chez vous en l'espace d'un clic. C'est ça. Parce que vous pouvez commander tout de suite l'album. Donc allez-y maintenant. Tout de suite sur iTunes, sinon demain à la Fnac. Joke, l'album s'appelle Ateyaba. En invité Dossé, un petit mot sur Dossé. Dossé. Je veux que je te laisse dire un mot sur Dossé et pourquoi il est avec toi sur l'album et notamment sur le morceau Miley. Dossé, il est avec moi sur l'album, c'est Omar qui a fait une connexion entre nous. Dossé, c'est un mec que j'entends depuis tout petit, je sais pas j'avais quel âge, peut-être 13-14 ans quand je l'ai entendu la première fois. C'était un son avec Cynic et Pete Bacardi. Ah, moi je laisse parler. C'est bien ça, non? Un son mort avec Cynic et Pete Bacardi. Pete Bacardi qui est ton frangin aussi. Hein. Exactement. Mmh. Donc, que je trouvais chaud depuis l'époque. Donc, voilà. Ça s'est fait naturellement. Mais c'est vrai qu'en même temps, tu parles de morceaux, on a l'impression que Dossé est là depuis super longtemps. Et, ouais, il est là depuis super longtemps, mais c'est le cas. Mais on a l'impression que t'es toujours un rookie quelque part, Dossé, non? Parce que je respire la jeunesse, frère. C'est pour ça, hein, en fait. Exactement. Plus tu vieillis, plus tu rajeunis, en fait. C'est un vrai nègre. Tu vois, un vrai niggas. C'est vrai, à chaque fois que je te vois, je me dis, putain, mais... Et ouais, je suis tombé dans la marmite de jeunesse. Incroyable, quoi. La scène de jouvence. Incroyable. Non, mais sinon... Donc, à part ça, t'as mis aussi le flow de Dossé, évidemment. Voilà, ouais, si. C'est un artiste que je trouve très fort. D'ailleurs, j'ai entendu des sons de son projet à venir qui sont très très sales. Oui. C'est quoi d'ailleurs l'avenir de Dossé? Là prochainement, il y a des sorties. Il y a un projet qui se prépare pour la rentrée 2014 là. Donc, voilà, vous aurez plus de nouvelles bientôt. Sinon, on peut trouver les derniers qui sont sortis là récemment et on peut encore. Ouais, bah il y a là dernièrement ce qui est sorti, c'est Karma. Le film. Exactement, plus la bio. Voilà, où il y avait un petit peu de monde dessus, genre Niro, Seth Gecko. Etc. Bah ça explique un petit peu aussi pour les gens peut-être qui vont découvrir Karma. C'est toi qui a monté ça, qui a filmé, ouais, qui voilà, a, avec qui a joué, qui est pas moi. Mmh. J'ai appelé mes amis rappeurs et puis voilà, autour d'un petit scénario de rue, on a essayé de faire un petit projet cinématographique, tu vois, avec nos moyens à nous, à notre niveau à nous. Et à ça j'ai joué un CD, mmh, une BO, une bande originale avec les rappeurs justement qui étaient dedans. Donc on peut retrouver comme j'ai dit Niro, il y a Escobar Maxon. Il y a Sofiane, des mecs comme Bassirou qui arrivent lourd aussi. Et voilà, et puis quelques autres mecs, Blood. Et voilà, ainsi de suite. Et on peut toujours trouver la Karma, le film et la bande qui va avec. Ouais, c'est toujours disponible. Tu dans l'as les vu Joke David. T'as maté David. Karma. Pour moi, c'est comme les délires un peu à la. Les street movies de Cameron. Sauf que c'est à la française, mais je trouvais ça très très chaud. Merci. Et bah écoute, on attend le tien maintenant. Hein. Je sais pas, c'est Bip qui fait ça. Bip, c'est dans les films. Ouais, ah oui, t'es dans les films. Dans mes Nays. Ouais, je suis dans les films, ouais. Il a sorti un petit bail déjà. Dans qui s'appelle 1989. Faut voir ça sur YouTube, c'est en lien privé. Ah, okay. On va aller sur ma page fan. Ok, je vois le genre de film. 1989. Ouais. C'est pas trompé sur la date, c'est pas 1969, non, non, c'est 1989. Ah, ouais. Ok, bah écoute, on ira cliquer là-dessus, hein, en lien privé. Dossé est là avec nous. On va écouter un morceau maintenant de l'album, si tu veux bien, Joke, c'est toi qui l'as choisi. Donc, on va balancer Major en l'air pour mettre les choses au clair. Hier soir, tu nous l'as fait en live. Voici la version album Major en l'air tout de suite. Major en l'air. Major en l'air. Joke sur Skyrock sur Twitter. Major en l'air. Yeah. Les monsieur. MCP. Major en l'air. Major en l'air. Major en l'air, négro. Major en l'air. Major en l'air. Major en l'air. Major. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Pas soulevé des cochons ensemble. Boire Solande et pour mon ensemble. Baisse le rap français dans son ensemble. L'état français, je lui fais sa fête. Nique sa grand-mère le 14 juillet. Négro pour enculer Marianne. Faut juste les papiers pour s'essuyer. Négro, si tu veux compter de la monnaie, passe moins de temps à compter tes heures. Que le rap pourrisse dans son cercueil. Le prince lui fera porter des fleurs. Envoie ta chagata avec des cœurs. Avec l'argent, la vie c'est meilleur. On t'aide à devenir un bon cadavre. Si tu es un mauvais payeur. Si elle aime pas le rap, ma vie la rila. Le rap va me payer ma vie la villa. Cigarillo, vanilla, nila. Sur la moula, na bila, bila. Bila, bila, j'ai bon fond, voilà, et bila, et bila. Et terroriste au cristal. Parce que je vais faire péter le cristal. On est sur les nerfs. On aime pas ça. On efface la tête. On aime pas ça. Nique les paramètres. Négro sont là. Négro sont là. Mais négro sont là. MCP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MCP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MCP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. MCP y'a rien qui bouge, j'fais du sale pour mes négros. Je déçois pas les tantimes, je compte toujours mes centimes. On fait nos brailles sans filet, sans fille, sans téléphone, sans fil. Le prof d'histoire m'a menti, ta pétasse t'a menti. Je te dirais bien que je cracherai pas dessus, mais gros, je veux pas mentir. Mon garanti à vie, mais ma vie n'est pas garantie. Je te laisse passer devant, je t'aime à ton cul, j'encule la galanterie. C'est qu'une question de temps, j'enlève le lent, transforme ça en gâterie. Carquer les pistes sur une Marseillaise, enfant de la batterie. Rends-moi si tu payes en cash, t'auras sûrement pas de reçu. Les bâtards jouent de la flûte, les putes vont s'asseoir dessus. Plus virulent que le sida, pilote de ligne d'Al-Qaïda. Encore plus sombre que Dark Vador, le père du fils Arachida Ida. On n'aime pas ça, on efface la tête, on n'aime pas ça. Nique les paramètres, les gros sont là. Les gros sont là, mais les gros sont là. Les gros sont là, MTP y'a rien qui bouge. J'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge. J'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge. J'fais du sale pour mes négros. MTP y'a rien qui bouge. J'fais du sale pour mes négros. Majeur en l'air. Majeur en l'air. Majeur en l'air. Majeur en l'air, majeur en l'air, majeur en l'air, majeur en l'air, majeur en l'air, négro, majeur en l'air, majeur en l'air, majeur en l'air, majeur en l'air. MCP, ma fuck. Le morceau s'appelle Majeur en l'air à l'instant sur Skyrock. C'est Joke, notre invité toute la semaine entre 20 et 21. À pas louper ce soir, il y a Dossé aussi qui est là, qui est de retour parmi nous avec un extrait qu'il vous fera en live tout à l'heure, extrait de l'album Ateyaba. Yes, ce sera le morceau Miley à pas louper. Un mot sur Majeur en l'air, sur celui-ci, comment il est né, le son de celui-ci, Joke? Majeur en l'air, ça s'est fait, j'ai écrit ça en d'entrée, quoi. J'ai écrit ça d'entrée. J'ai écrit ça avec la rage. J'ai posé ça avec la rage. Ça s'est fait. C'est quoi, c'est un morceau qui est arrivé au tout début de l'enregistrement, au milieu, à la fin? Non, c'était au milieu de l'enregistrement, c'est fait. En fait, le truc, c'est que moi, je travaille de manière un peu à l'instinct, tu vois. Je calcule pas mes trucs, donc je mets des instrus. Dès qu'il y en a une qui colle avec mon mood du moment, ben, je kick dessus, quoi. C'est comme ça que ça s'est fait. Bosser, c'est pareil, t'as la même façon de bosser Excuse-moi, j'ai poursuivi. Il était en train de parler de la façon dont il bosse justement sur l'instru et la façon parfois spontanée qu'il a d'écrire en écoutant l'instru. Ouais, ouais. Toi aussi, en fait, selon les morceaux, ouais. Ouais, sur des morceaux banger, ego trip, ouais, c'est comme ça que je fonctionne. J'écoute la prod et le truc qui m'inspire un truc et je pars dessus direct. Après, pour des morceaux un peu plus thématiques ou un peu plus poussés au niveau de la profondeur, non, t'as vu, on prend plus de temps, tu vois. Normal. Par exemple, Miley. Qui est un morceau très profond. Ouais, très profond. Ouais, ouais. Mais c'est une exception parmi les morceaux profonds, tu vois. Sinon. Celui-ci, vous êtes retrouvés en studio ensemble? Ouais. Mmh. On intégrera ensemble. Ouais. En fait, le refrain, on l'a fait ensemble. Moi, j'avais fait ma première partie à New York, en fait. J'avais fait déjà un couplet à New York. Et après, on s'est retrouvés en studio. Et j'ai reposé le truc avec lui. Et on intégrera le refrain ensemble, quoi. Ouais. Donc tu t'es mis à la hauteur new-yorkaise, quoi. Exactement. Il fallait. Ah, il fallait, hein. Il fallait pas se trouver. Il fallait être à l'heure américaine. Tu l'as écouté, toi, Dossé, l'album Ateyaba? Bah, en tout cas, j'ai écouté plein de morceaux. J'ai pas encore acheté l'album, je me confesse. Chier. Mais je vais le faire, là. Oh, non, c'est juste que j'ai pas eu le temps. Je vais dire ou pas. Non, j'ai juste pas eu le temps. Mais ouais, non, j'ai désolé d'avoir foutu la merde. Non, y a pas de souci. J'ai écouté beaucoup de morceaux. Et je peux dire que moi, mon préféré, parmi ceux que j'ai écouté, c'est New Jack City qu'on va écouter tout à l'heure. Ah bah ouais, on va le balancer dans un instant. Ouais. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre aussi? On a New Jack City, on a Casino aussi. Casino à découvrir, New Jack City. C'est Et puis le live de Miley qui arrive dans un instant, 41759. Le hashtag, c'est Joke sur Skyrock, allez-y. On va balancer tous les messages pour Joke et on revient après ça. Joke a choisi Planet Rap. Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est avec Joke, notre invité tous les soirs. L'album est dans les bacs depuis lundi. Il s'appelle Ateyaba, on le découvre ce soir. Dossé là aussi avec nous. Et on va mettre un morceau maintenant. On va mettre New Jack City. New Jack City. Produit par mon gars Richie, qui est dans les parages. Richie qui est là, qui est dans le coin. Tiens, je le vois arriver près du micro. Richie, ça va bien? On va saluer Blastar aussi qui est de retour. Ouais, ça va et toi? Ça va en pleine forme? Ouais, tranquille. Bien, bien content du boulot avec, avec notre ami Joke. Ouais, toujours, toujours. Mm-hmm. C'est un plaisir. Toi aussi, t'as été content des sons qui t'ont livré? Bien sûr. Mmh. Celui-ci, par exemple, un petit mot sur New Jack City. Moi, New Jack City, il fait partie de mes préférés aussi. Il fait partie de mes préférés. Et il faut dire en fait que Richie, on a fait déjà plusieurs morceaux avant ensemble. On a fait un petit peu en thème. Mmh. Et on a fait 501 lunettes quartier. Yeah. Qui donc sont des morceaux forts pour moi. Quoi. Ok. Donc c'est, ouais, c'était important de l'avoir sur l'album aussi. C'est important. Il a produit trois morceaux sur l'album. Ouais, Sphinx, Jen Salter. Quatre morceaux même. Jen Salter. Et French Riviera. French Riviera. Avec Jen Aiko. Jen Salter, on l'écoutera jeudi hein, pour la soirée Vénus. Je rappelle que jeudi, il y a une soirée Vénus, donc soirée spéciale fille. C'est ça. Où toutes les filles sont invitées à venir pour assister à l'émission sur Skyrock. Pas de bug dans le plat. Aucun bug. Donc ça veut dire que Oumar, tu ne seras pas là malheureusement. Voilà. Je serai de l'autre côté avec Fabien. C'est dommage pour toi. Hein. Les deux seuls bugs qui seront là, Joke et moi. Voilà, donc Momo, de l'autre côté aussi. Personne d'autre. Voilà. Très bien, bonne idée. Pas de caméra, rien. Rien. Donc ça sera pas filmé jeudi, non? Ok. Richie, désolé. Hein. Non, mais moi je viendrai parce que c'est mon morceau. C'est bien, tu t'en tires bien. Bon, bah, écoutez donc ce titre maintenant qui s'appelle New Jack City. C'est sur Skyrock et c'est extrait de l'album de Joke. Yeah, yeah. Hey. Richie, Joke MCP. Sur Twitter. Et Facebook, motherfucker. Cheer. La pièce est pleine de pussy niggas. Dites-moi s'il y a souci niggas. Bara bim, bara boom. Usi si ça sonne roussi niggas. Au poignet des montres onéreuses. Tout banam et en veilleuse. La lune est en haut, la petite veut rider. Équipe vodka, je le vois danser. Je rappe comme personne, j'ai des mots à regarder. Renoir écrit comme sur papyrus. La team rock, ça comme les Beatles. Mets de la yeyo dans tes sinus. Pour mes brigands, intelligents. Ride au school en CL6 en Renoir le mojo et si puissant, les haters trouvent ça épuisant. On est à la playa comme la clinique. Yaï yaï, de 2014 à l'infini. Yaï yaï, on vend de la Marie-Dominique ou Marie-Jeanne. Tu sais que le négro n'a pas de limite. Yaï yaï, rien nous sépare. Un neuf. Hashtag joke sur Skyrock sur Twitter. Un neuf millimètres. Si cette pétasse parle mal, je mets une tarte. Je m'en bats les couilles. Ouvre que pour parler dessous, elle ouvre. Je l'attrape par les dessous. Le rap français, je les baisse eux tous. Ton coccyx ressent les secousses. Je te touche même pas avec un bâton. Si sur tâche, nectar des repousses. Sur la pelouse, carte de golf. Carte noire et carte gold. Parfum niche pour que ces bitches raffinent et viennent et me parlent de love. Il me faut de lesbiennes comme les tatous. L'argent me fait peur mais je suis prêt à tout pour en gagner. Comme cet enfant qui ferme les yeux parce qu'il a peur du noir. On est à la playa comme la clinique. Yaï yaï, de 2014 à l'infini. Yaï yaï, on vend de la Marie-Dominique ou Marie-Jeanne. Tu sais que le négro n'a pas de limite. Yaï yaï, rien ne sait pas. Un neuf millimètre. Quoi? Un neuf millimètre. Quoi? Un neuf millimètre. A t'es à bas dans les bacs, moi, fucker. Un neuf. On est à la playa comme la clinique. Yaï yaï, 2014 à l'infini. Yaï yaï, on vend de la marque. Yaï yaï, rien nous sépare. Un neuf millimètre. Un neuf millimètre. Dédicace à mon gars Boudjo, mon négro Rabi, mon cousin Régis de BX, Régis Carl Bianca. Régis, c'est quoi les bails? LM, GMG, mon fuck. Dédicace à Connex. Te vois les dédicace à mon ego Mikey Alekni. We made it. Nigga. dédicace à Elise. Le morceau s'appelle New Jack City à l'instant. Quel morceau alors? La production Richie aussi. C'est ça, c'est un des derniers morceaux que j'ai fait pour l'album. Celui-ci, c'est les deux derniers en fait, c'est celui-ci et Casino. J'ai fait ça en deux jours. Ce que tu disais, ouais, hier dans l'émission, genre il y a eu quatre derniers morceaux qui ont été faits super speed. Et c'est pour moi c'est les plus importants, les Mitch. Celui-ci, Ateyaba aussi. C'est un des derniers, Ateyaba, je pense qu'on va le passer sûrement peut-être demain. Peut-être demain. Bon, demain ou vendredi. Dans quelques minutes, on mettra Casino aussi à découvrir. Casino, c'est une autre ambiance. Ça. C'est un délire un peu. Pour moi, c'est un délire un petit peu film, un peu Las Vegas, un peu. C'est un peu à l'ancienne. Mais il y a beaucoup de ça aussi dans tes musiques. Il y a beaucoup d'ambiances particulières. Ouais, j'ai l'impression parfois d'être sur la bande-son d'un film, en fait. C'est ça. En fait, le truc, c'est que la manière dont je choisis les prods, c'est quand elles m'inspirent des images, en fait. C'est ça. Donc c'est un peu comme si t'es une bande son de film. T'es quelqu'un qui mate beaucoup, toi, de films. Ouais, j'aime ça. Tu vas souvent ciné. J'aime ça. Bien sûr, j'aime beaucoup Scorsese. D'ailleurs, Casino, c'est Scorsese ou pas? Ouais. Ok, c'est ça. Scorsese. Et New Jack City, c'est aussi un film, ouais, d'ailleurs. C'est un film classique. Minace, c'est un film aussi. Il y a un morceau qui s'appelle Minace. On va passer jeudi aussi. Pour la journée Vénus, la soirée Vénus plutôt. Oui, il y a quelques références d'ailleurs, il y a pas mal de références au cinéma dans les textes. Il y en a beaucoup, hein. T'as beaucoup de références. Ce que tu dis dans le refrain d'ailleurs de Vénus aussi, hein, c'est référence au film. À la fin de Vénus, par rapport à Jada dans Minace. Ouais, si. Mais c'est un film aussi qui m'a beaucoup. C'est Menace to Society, hein, ouais, c'est ça. Menace to Society. Ouais. Ceux qui n'ont pas vu ça, ils ont perdu. Jusqu'à la fin du film. Ah, ça c'est clair que c'est le genre de film qu'il ne faut pas louper, ça. Comme Do the Right Thing, je sais pas si t'as vu aussi de Spike Lee, enfin voilà, qui fait partie du même univers, de la même époque et tout, donc gros film à pas louper. Il y a Pays in Full aussi, qui est pas très très connu, mais c'est très très sale. Et toi aussi, Dossé, hein, très très ciné, hein, très cinéphile. Ouais, on essaye. Ouais. Ouais, ouais. Bah toi, t'en as fait un film, d'ailleurs, il y a Karma qui est toujours dispo. Karma, exactement. Tu prépares un autre bail ou quoi? Non, pas pour l'instant. Okay. Pour l'instant. Sinon, on peut te connecter avec Bibs, qui est sur des films... particulier, il fait la suite de 1989 qui arrive, donc si ça t'intéresse, on vous mettra en liaison. Lui, c'est référence plus Batman au Brésil, c'est sur le truc. Ah bon. Il est collé à la porte, il dit plus rien. Il y aura le droit de réponse tout à l'heure. Tout à l'heure, on va y aller tranquille. Ça fait mal. Ça. On va faire un tour du côté de Chartres. Ça fait très mal celle-ci. Surtout pour ceux qui connaissent le film. Size de Chartres, ça va bien? Ouais, très bien, très bien. En forme? J'écoute depuis tout à l'heure. Là. Tout va bien? Je suis archi chaud. Eh ben écoute, si t'es archi chaud. Ouais. Et je passe le bonjour à MTP, tout ça. Ah ouais. Toute la bande. M'amène. Et bon, on t'écoute rapper, c'est parti, Size, maintenant, okay. Session freestyle par téléphone. Yep. Du gris. Size. Chalata de 8, négro. You wanna touch me and kiss me, girl, hurry. Cause I'm lazy and it's your back to come in and come back. Do that, do that again, there is no fucking problem. Hey, yeah, your boyfriend, girl, got some deep problems. Girl, your boyfriend, girl, some deep problem. Hey, yeah, your boyfriend, what, got some deep problem. So gonna dance, baby girl, and show me how you move. I ain't got to do that, cause I got nothing to prove. Thought I'm just smoking dope, where everybody has hope, but don't choose that dope. Go see B.U.B. Candy and moving like Bernie. We dance with you girl, cause you know that I'm pretty. Si c'est Sharp, non pas Brooklyn, Zou Negro, ma ville natale. Loin du but de vie, Zou Negro, et c'est vrai qu'il y a le soleil. Mais c'est pas qu'il résout tous nos problèmes dessous. Bah oui, oui, bah c'était parfait, ça. Tu attendais la voix d'Alicia Keys, mais ouais. Il a eu un peu de retard. Ouais, t'inquiète. Merci à toi, Size. Bah ouais, de rien. Petite hein. Dédicace, on peut te retrouver sur le net. Vas-y, c'est le moment ou jamais. Ok, ouais, ça marche. Bah, dédicace à tout le monde, à tout Chartres, à tous ceux. J'ai envoyé des messages tout à l'heure, j'étais en stress. Et bah, je leur passe une dédicace. Chalat à eux. Et à Chalat encore à MTP, à Teyaba. Écoutez ça. Toi, est-ce que d'ailleurs tu as l'album? Est-ce que tu as l'album à la maison, Size? Ouais, je dis sur une clé USB, hein, et j'écoute ça. Hein. C'est la meilleure, t'as 4 packs. Comment ça, une clé USB? Peut-être qu'il l'a acheté légalement. Ouais, en fait, je l'ai pris un peu. à Bubu Kadé. Ça bégaye. Quoi? Gros, passe à la Fnac, non? Ouma. Ouais, on passe à la Fnac. La voiture Chart, Paris Chart, c'est vite fait. Hein. On t'envoie un mec super sympa qui s'appelle Oumar, ça y est, tu vas voir. Ok, ça marche. Va juste réclamer tranquillement la clé USB. Les 12,99€. Et ce qui va avec. Bon, on te souhaite une bonne soirée en tout cas, Saïd. Ouais, super, vous aussi. Hein. Ciao, salut mon pote. Ciao, petit. Passe une bonne soirée. On écoute un extrait maintenant de l'album, on l'avait promis, c'est le morceau Casino. Casino. Et c'est extrait de l'album Ateyaba qui est dispo légalement sur tous les bons sites de téléchargement, notamment le iTunes et aussi un peu partout dans tous les magasins en version physique. Yeah. Casino. Yeah. Shout-out à mon négro Smith. On te voit. J'ai mes gars qui sont à l'arrière. Hein? J'arrête en permis, nique les barrières. On veut s'en sortir maintenant. Peu importe la manière. Je leur fais l'amour dans la lumière. Je vois leur chatte quand je frappe ça. Je veux un trio comme 4 size. Des meufs qui se doivent quand je frappe ça. Dieu donne les sentences, qu'est-ce que les gens pensent, ma mère. Écoute la haine sur ma bouche, l'amertume sur ma bouche. Faut que je fasse les fils d'une italienne pour aider tout seul sur la route. Faut que je fasse les fils d'une italienne pour aider, mais c'est mourir par mienne. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisais comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Hein? Les déroules sur le tapis vert. Le charisme frappe ton imaginaire. Branche en bois sur lunettes quartier. J'vais en compte avec les chiffres de l'annuaire. J'aime pas Tony Monga, c'est Franck Lucas. Ride à Monte Carlo, Alain Ducasse. Fais gagner tes copines en à peine une passe. On renvoie les petites tasses, on leur efface une case. Même si les temps changent, on garde les sentences, ma mère. Écoute la haine sur ma bouche, l'amertume sur ma bouche. Les néons explosent dans tes iris. J'ai juste les poils de chatte de ces féministes. Tu sais que l'ancien dernier de la classe peut avoir une veille de premier ministre. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisais comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Hein? Quand les décolletés se montrent, je me pose plus de questions. Je vois tes anges, l'imagination de Luc Besson. Je me fais des films, baby. Je te le dis sans pression. Ramène tes copines, ramène ta soeur, ramène ta team, baby. J'ai pas le Cadillac, je te drive comme Tom Tom. On cruise comme Tom, on cruise comme Compton. On gagne du temps, dédicace à Rabi. Tu habites, baby. Voir la vie en rose, la vie monochromatique, baby. Faut que je fasse toute cette maille. Tout ce blé, mon nigga. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse toute cette maille. Faut que je fasse tout. Hashtag joke sur Skyrock. My eye. Ateyaba dans les bacs. Oh. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Faisais comme Robert De Niro. Nous on veut braquer le casino. La chance est pour les chanceux. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Nous on veut braquer le casino. Je voulais que tous ces connards sachent que les temps avaient changé. On devait faire un exemple pour qu'ils comprennent que c'était fini de rigoler. Que c'était fini de rigoler. Que c'était fini de rigoler. Yeah. Style Nas à la prod. Shout out à Sim Sky. Joke et Casino à l'instant, c'est extrait de l'album Ateyaba qu'on découvre cette semaine entre 20h et 21h. Yep, yep, yep. La prod, rappelle-nous la prod de ce morceau. La prod, c'est Sil Nas. En fait, on m'a envoyé ça, c'est via Kassim, Sim Sky en fait, la famille Haussmann, qui m'a envoyé ça. Et j'ai mis du temps à rentrer dedans, mais dès que je suis rentré dedans, je me suis dit, c'est un classic shit. Celui-ci, ouais. Ouais, c'est un truc qui est pas vraiment, qui a pas vraiment été fait dans le rap français, je pense. Même dans le rap tout court, c'est spécial de fou. Spécial de vous fou. Vous avez pas clippé en encore celui-ci? Il y a pas d'image? Encore, mais je pense qu'on va clipper ça plus tard. Bon, il y a des images qui arrivent là aussi prochainement, non? Il y a pas. Il y a Vénus qui arrive vendredi. C'est Vénus. C'est ça. Vénus vendredi. Tu te fais plaisir dans le clip, ça va? Calme, calme. J'ai déjà fait. Mais c'est déjà bien fait plaisir. Ouais. Non, calme, calme dans celui-ci. Bon. Ah. Vénus vendredi. Je sais pas, Oumar fait des gros yeux. C'est pas vendredi finalement? Ah, c'est pour ça. C'est bon, pour... On va dire lundi alors peut-être. Bon. En tout cas, ça arrive. Dans les jours qui viennent. Comme ça, t'es tranquille. Là, une chose est sûre, c'est que l'album est sorti. Donc, ça, on peut l'avoir, on peut avoir le son, on peut avoir tous les sons de l'album. L'album est sorti d'ailleurs. Allez, chopez vos physiques, vous m'envoyez ça sur Snapchat. Mon Snapchat, c'est J-O-K-E-L-M-G-E-M-G et je réponds à ceux qui envoient leur physique. Dossé? Yes. Prêt pour le live? Archi prêt. Archi prêt? Joke? Je suis prêt. Archi prêt aussi? Et ben ce morceau s'appelle Miley, on le retrouve sur l'album et vous allez le faire maintenant en live Miley dans Cyrus. Toute la France. Les images sont dispo sur skyrock.fm, allez-y. C'est extrait d'Ateyaba avec Joke et avec Dossé maintenant en live Miley. Yeah. Azora, balance-moi ça, Nero. Hey. Cash money, l'homme. Cheer. Joke. Dossé. Hey. Cheer. Eh, hey, hey. Yeah. Team 228, négro. Yeah. Bitch tête dans les toilettes. Vite grosse comme une canette. L'état tout brise la schneck. À chaque paquet de cigarettes. Grosse liasse dans l'armoire. Rien que me fend la poire. Dégâts par des signes homosexuels ostentatoires. Je te paye en liquide, salope. Dis-moi pourquoi faire un putain de pourboire. Pourquoi? Je suis togolais, allô, mais je fais mes études à Poudlard. Ta mère la chouin, ton père la chouin. C'est en se branlant qu'on perd la main. Sors le machin, non. Sors pas le truc. Merde. T'es une jevière, merde. Donc parle U. J'ai trouvé cette mexicaine, j'en ai perdu mon latin. L'avenir appartient à ceux qui vont québra de bon matin. Tu peux me juger, mais y'a qu'au succès que je suis condamné. Les poches pleines si je t'aperçois, gros, je suis Gilbert Montagné. Faut que j'ouvre des business avec tous les pays frontaliers. Les négros se croient chauds, vont crever de combustion spontanée. Monnaie, chiffre, monnaie, monnaie, monnaie, chiffre. Cherche pétasse, silicone et chaque comestible. On veut passer comme les négros d'espoir collectif. Monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, unique objectif. L'enchanteur Miley Cyrus. Miley Cyrus. Hein, Miley Cyrus. L'enchanteur Miley Cyrus. Quoi? Miley Cyrus. Hein, Miley Cyrus. Miley Cyrus. La chatte, Miley Cyrus. Dites bonjour aux messieurs. Messieurs. 4 tonnes 5 sur les cieux. Ferme ton cas, vu ou fais mieux. Je baisse ta grosse timbre sous tes yeux. Totalement en caïra. Pour mes mauvais garçons, mes mauvaises garces. Tous les jours je pense argent, placement, paradis fiscaux, monégas. Oui, la France est une terre d'accueil. Coke, brésilienne, arme russe. Je veux du pif, ferme ta gueule. La chatte, Miley Cyrus. Une plaque à la place du mort. Une brune et une blonde sur l'arrière banquette. On ne sert que des avion de chasse, la grosse chatte à Kate Blanchette. Ces négros parlent, mais ces négros ne pèsent rien. Je fais de la piraterie de haute voltige sur le réseau hertzien. Pas le même génie, pas le même flow, pas le même débit. 45 Orleans MGB, folie furieuse à la ODB. Je les préfère quand elles assument leur côté bitches. Quand elles ont les seufs qui tapent sur les abdos, comme s'ils avaient fait des bêtises. Tiens, beaucoup, beaucoup trop de basses. Basse. Beaucoup, beaucoup trop de promos. Promo. Pèse le rap comme une tasse à base de gros coups, gros coups, no homo. Tiens. monnaie, chiffre, monnaie, monnaie, monnaie, chiffre. Cherche pétasse, silicone et chaque comestible. On veut passer comme les négros d'espoir collectif. Monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, unique objectif. La chanteur Miley Cyrus, Miley Cyrus, Miley Cyrus. La chanteur Miley Cyrus, Miley Cyrus, Mama Miley Cyrus, Miley Cyrus. La chanteur Miley Cyrus. Wouh! Ah, t'es à bas dans les bacs, mon nègre. Yeah. Shout out à mon négro dossé. À l'instant, en live, le morceau Miley, Miley Cyrus, en référence la célèbre Miley. La célèbre. La célèbre Miley. C'est ce qu'on écoutait à l'instant en live avec Joke et avec Dossé, extrait de l'album Ateyaba. On vous retrouve d'ailleurs tous les deux sur l'album de Joke, évidemment. Avant de se quitter, on met un dernier morceau. Un dernier morceau. Avant ça, j'ai envie de vous dire un petit bail. Je serai en concert à La Cigale le 6 novembre. Ah. Donc, ça va être un gros live. Comme bien beaucoup de lives qu'on a fait. Enjoyez-vous. Donc, dépêchez-vous. Donc, Cigale, 6 novembre prochain. C'est ça. À pas louper. Et une tournée aussi, je suppose, dans toute la France. Il y a plein de gens qui demandent où est-ce qu'on va te voir, où est-ce que tu vas passer. À partir de la rentrée, on va commencer à balancer des dates bientôt. Et ben voilà, il y a une première date, c'est celle de Paris, La Cigale, et puis les autres vont suivre dans la foulée. C'est ça. Et le morceau qu'on met maintenant, c'est. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Produit par Ikaz. C'est parti sur Skyrock. On demande le respect à personne. MTP connaît la méthode. On peut la coucher pour un petit somme. Te coucher pour une grosse somme. Ma technique arrive du deublé. Armé, prêt à partir en reggae. Aveuglé par les chiffres en 2D. Gravé sur les billets en revêt. C'est plus que tu pourras, tu le sais, tu l'admets. Des ennemis, on aura jamais assez. Je vais pas me faire chier tout seul au sommet. Donc je prends mon temps pour les effacer. Elles aiment le pognon, elles aiment la vitesse. J'explique un texto quand j'ai envie de sexe. Viens me voir si t'as la migraine. Je vais faire semblant de planter la petite graine. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs, on est sur les nerfs, baisse un peu le micro s'il te plaît. On est sur les nerfs. Yeah. Ramène ta biche, je la prends en sandwich avec le négro qui partage ma tête. Man, elle vient pas de Colombie, mais cette blanche me massacre la tête. Man, elle me reçoit 7 sur 7. Je sors ma hug, j'ai mes têtes sur tête. J'ai une nasse verte, j'ai une ceinture verte. J'ai la peau noire, j'ai une ceinture noire. Alléluia, la concurrence fait engloutir par des trous noirs. J'suis dans un creux pas échange, juste en taille des pieds. Dans les fumoirs, j'vois des couverts dans les couloirs. Tous mes négros sont. On est sur les nerfs. T'as pas cette merde, c'est une poêle du nez. Le loup-garou est ma lune. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Paris sur les nerfs. Paris sur les nerfs. MTP est sur les nerfs. Ateyaba dans les bacs. Allez vous fournir la cam. MTP. On est sur les nerfs. Personne ne peut venir contrer toute cette énergie. Le mojo écaille ton vernis. Hein? J'ai pas des idées bien placées. Mais pas plus du passé, je les ai dépassées. Veste matelassée, pas cassée. Vermard, j'ai la droite glacée. Dans le carré, je regarde et ça va passer. Viens pas me faire la bise si t'es pas rasé, bitch. Le game se fait euthanasier. Cette petite prendra cher, c'est tout chassé, dick. Je suis au top dans ma loge. Et dans les loges maçonniques. Et on quitte cette boîte. Si ta pote est encore net, chérie, je vais m'occuper de cette chatte. Comme Farid de la Morlette. De la Morlette. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. On est sur les nerfs. Paris sur les nerfs. MTP est sur les nerfs. On est sur les nerfs, c'est extrait de l'album de Joke Ateyaba qui est dans les bacs depuis hier. On le découvre cet album aussi, ça termine entre 20h et 21h. C'est ça, toute la semaine. Toute la semaine, à pas louper, du live. Sale. Du live, et notamment ce soir, il y avait Dossé avec nous. Du live toute la semaine. On va rappeler que Dossé donc, prépare un nouveau projet pour la rentrée 2014. Exactement, rentrée 2014. Donc préparez vos esgourdes. Que que d'ici ça va être là... salissime. Parce que ça va être très que d'ici là, il y a Karma qu'on peut toujours trouver le film et la bande son qui va avec. Exactement. Donc, et puis voilà, c'est tout. Je veux pas trop spoiler, mais on prépare un autre bail avec Dossé pour dans très peu de temps là, qui risque de faire très très mal. Très très mal. Qu'on retrouvera où? Qu'on retrouvera sur internet, je crois. Qu'on retrouvera dans les cas vus. Voilà, c'est ça. Parce qu'il va rentrer loin. Il va aller très loin. Bon, et bon, on suivra ça. Donc, une nouvelle rencontre entre Dossé et Joke dans les semaines, dans les mois à venir. C'est ça. Bibs, toi qui reviens du micro, tout à l'heure, tu as été honteusement taclé par Dossé. C'est vrai, par Dossé. Je lui prépare une petite réponse pour dans la semaine au calme. Ah, tranquille. Oui, il est là ce soir. Non, tranquille, c'est mon grand, on rigole, y a rien. Eh ben merci à vous. Juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. 200 places, Kev Adams en exclu. À choper maintenant sur Skyrock. Salut Audrey de Guignon. Salut. Ça va bien Audrey? Oui, ça va, bien. Tu connais Joke? Oui. C'est notre invité toute la semaine et toi tu viens faire tourner la roulette. C'est parti Audrey, on y va? Tout à fait. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. D'accord. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi, Audrey, sur la case... Eh ben voilà, c'est fait, c'est pour toi. C'est la tournée de Kev Adams dans toute la France qui s'arrêtera près de chez toi. Super. T'as deux places pour la rentrée, c'est pour toi Audrey. D'accord, merci, c'est super. Et ben de rien, petite dédicace, petit message à passer. Petite dédicace à ma famille, mes amis et tous ceux qui me reconnaîtront, voilà. Et vraiment contente de passer sur Skyrock, j'y croyais pas et voilà. Et voilà, comme quoi il faut toujours y croire. Comme quoi il faut toujours y croire. Et ouais. On te fait un bisou Audrey. Merci, bisous. Ciao, passe une bonne soirée. Merci Joke pour cette soirée. Merci Omar qui était là. Bibs aussi. Dossé. Yes. À très vite. Ouais, à très vite. On te retrouve sur l'album Ateyaba. Big up Orléans. Ah bah on salue la ville d'Orléans. Obligé. Magnifique ville d'Orléans. Ah tu connais. Ouais. Ah d'ailleurs on s'est croisés là-bas petit. C'est vrai, main, ouais. c'est vrai en plus, c'est vrai. C'est quoi cette histoire? C'est bizarre ça. Il y a des dossiers. Bon, Orléans n'est qu'à une heure de Paris hein. Ouais mais bon. La manière dont il l'a dit. Ah ouais, un petit bail là. Mais y a on pas de en bail. Parle en off. Il n'y a pas de off, on s'est croisé à la gare d'Orléans, tout ce qu'il y a de plus naturel. Tu vas souvent en province hein. J'aime voyager, j'aime voyager, n'aime pas rester sur Paris. J'aime me balader, comme ça prendre le train et aller là où le train m'amène. Merci à vous Dossé, à très vite, donc à Orléans ou à Paris ou ailleurs. Joke demain? Demain. Demain entre 20 et 21, demain, tu seras là? Entre 21, freestyle demain. À pas louper? À pas louper. Gros freestyle avec Mega, Bips et Titan, toujours. Très bien, bah on sera là demain entre 20h et 21h. D'ici là, l'album est dans les bacs, qui s'appelle Ateyaba. Merci Omar, petite dédicace, petit message à passer pour dédicace conclure. Dédicace à mon gars Khabi, qui est au taf, Bendo qui est au taf, Boudjou qui est au taf, il cuisine ça, chier. Ciao, merci à vous tous, on va retrouver D-Fool maintenant et toute l'équipe. Eh oui, toute l'équipe est là déjà avec vous là. Hello, yes, ça appelle salut. Déjà, t'imagines Fred je pense que ça va être une soirée de folie. Je pense que ça appelle depuis un bon petit moment déjà. C'était dû à la chatte à Miley Cyrus, Marie a adoré. Vu dans la voiture, ça m'a fait marrer. On vous connaît. Vous aimez ça vous. Ah c'était pour nous. Ouais, c'était pour vous. Ah, sympa. Écoute. Merci, Joke. Ça m'a bien fait rire. Tu pourrais faire une chanson, Marie pourrait t'inspirer. Non, ça va, Fredo, avec tes idées pourries, là. Ouais, un remix ici, vendredi, là. Demain, en freestyle. Ouais. Voilà. Un remix ou un freestyle. Ouais, super. C'est cool. Ouais, ce serait fort, ça. Je vais dire à mon père de ne pas écouter Planet Rap pour une fois. Bon ben merci à toi Joke, demain soir le retour juste avant 20h. Là c'est parti avec la radio libre. Je vous disais vous êtes déjà là, 01 53 40 30 20, vous avez toute l'équipe qui vous répond, la Marie, Cédric, Samy, ouais, yes. Romano qui est en face de moi. Ouais. Wow. Karine qui prépare. Oui, quelle chance. Et mais une équipe de folie. Karine qui prépare les meilleures blagues du monde, le Karim Comedy Club va ouvrir ses portes d'ici quelques secondes. La radio libre aussi. Donc on vous attend en direct si vous voulez débarquer ici. Allez-y, radio libre jusqu'à minuit. On démarre avec madame Pavochko. Très bien. Et puis vous tous en direct tout de suite sur Skyrock. C'est quelle version? C'est version normale? Je pense qu'on va mettre la Romano version parce qu'elle déchire. Ok, j'y vais. Ciao à toutes. Ciao. Ciao.